La marche des sciences, Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est la marche des sciences. Mais pourquoi tous les astres errants varient-ils de luminosité de façon si inattendue? Et ce qui est pire encore, pourquoi le soleil en fait-il autant? Comment se fait-il que l'été, sa taille ne soit pas la même qu'en hiver? Peut-être parce que, à certains moments, il est éloigné et que d'autres fois, il se rapproche de nous. Mais Aspasius, regarde. Au dire d'Aristarque, le soleil est forcément situé au centre de l'univers. Et nous, la Terre, nous décrivons un cercle autour de lui. D'Hypatie, célébrée dans le film Agora d'Alejandro Amenábar, à Claudie Aignoret, de Sophie Brahe à l'astrophysicienne Catherine Césarski ou encore à la physicienne Claudine Hermann, des femmes de science ont mis tout leur talent et toute leur énergie au service de l'astronomie. Et pourtant, les livres d'histoire des sciences ne font pas la part belle à leur contribution, comme si l'astronomie n'était qu'un monde d'hommes, avec pour illustres découvreurs les Galilée, Copernic, Newton ou encore Hubble. Aux femmes, l'astronomie reconnaissante, c'est à cette tâche que s'est attelée l'astrophysicienne Yael Nazé, ingénieure des télécommunications et docteur S sciences. Elle est spécialiste des étoiles massives, chercheure au FNRS, le Fonds national de la recherche scientifique à l'Université de Liège, et auteure d'un livre intitulé « L'astronomie au féminin » paru au CNRS Éditions. Et elle a retrouvé la trace de ces femmes pionnières auxquelles on doit de grandes découvertes et elle sera avec nous sur France Culture en direct et en duplex des studios de la RTBF de Liège. Elle sera avec nous pour nous entraîner dans cette histoire spécifique et ses prolongements actuels. Et comme d'habitude, cette première partie d'émission sera émaillée de quelques archives sonores de l'INA, dénichées par Anaï Morales et Anne Delaveau. Et puis, en seconde partie d'émission, vers 14h45, place à notre partenariat avec le magazine Pour la Science. Et ce mois-ci, en juin, Pour la Science fait sa une sur le nouvel Eldorado mathématique, la géométrie aléatoire. Mais en ce qui nous concerne, nous portons notre regard, donc focus, sur l'article consacré à l'histoire des sciences qui nous fait découvrir ce mois-ci un certain Charles-François Bikillet. Et là aussi, la redécouverte d'un personnage du monde des sciences, oublié, et que le chercheur Pierre Crépel a exhumé des limbes de l'histoire au cœur d'archives improbables. Bikillet, un pionnier du mariage entre mathématiques et économie, au tout début du 19e siècle, ce sera tout à l'heure en compagnie justement de Pierre Crépel, depuis nos studios de Lyon. Mais tout de suite, aux femmes, l'astronomie reconnaissante. Nous ne décrivons pas un cercle. Depuis Platon, tout le monde, Aristarque, Hipparque, Ptolémée, chacun, sans exception, s'est évertué à réconcilier ses observations avec des orbites circulaires. Mais si les cieux dissimulaient une autre forme? Une autre... Attendez, aucune forme n'est plus pure que le cercle. C'est vous que je cite. Je sais, oui, je sais, mais supposons que la pureté de la forme circulaire nous ait aveuglée à d'autres formes qu'elle pourrait cacher. Tout comme l'éclat du soleil nous empêche de percevoir la lueur des étoiles. Il faut tout recommencer avec un regard neuf. Il faut que je repense tout, que je repense tout. Remettre en question les fondamentaux. Eh bien voilà, nous serons dans un instant en compagnie de Yaël Nazé, le temps juste d'établir la liaison effectivement avec les studios de la RTBF à Liège. Un tout petit contretemps, mais vous venez d'entendre un extrait du film Agora d'Alejandro Amenábar, et donc avec ce personnage Hypatie, une des plus anciennes femmes scientifiques, une femme qui a marqué l'histoire de l'Antiquité et qui a subi un sort dramatique, a été tuée à cause, on peut le dire, de son savoir qui faisait peur. En attendant d'établir la liaison avec Liège, je vous propose d'écouter le témoignage de deux femmes. Tout d'abord, la physicienne Claudine Hermann. Elle témoignait dans l'émission de Stéphane Delisgorges, Continent Science, le 10 février 2000. Des femmes, aujourd'hui, qui montrent combien cette difficulté existe encore pour la gente féminine d'exister dans certains milieux. Le monde de l'astronomie en fait partie, le monde de la physique aussi. Écoutons là, donc, Claudine Hermann. Je voulais être professeur dans le secondaire parce que c'était ça que je connaissais. Et c'est quand j'étais à l'école normale supérieure qu'on m'a dit mais la recherche c'est pas mal. Et finalement j'ai été encouragée. Je crois que c'est important. Ça c'est important pour tout le monde d'avoir au bon moment la personne qui vous dit mais tu penses à ça mais peut-être que tu pourrais faire ça, c'est bien aussi et tu peux le faire parce que nous on l'a fait. C'est très important. Alors après ça, il s'est trouvé que donc ma thèse, je l'ai faite dans un laboratoire de l'école polytechnique où en fait on était deux femmes, mais c'était la première fois qu'il y avait des femmes dans ce labo et c'était plutôt, de la curiosité. Quand j'ai eu des enfants et que le soir il fallait que je rentre à l'heure qu'il fallait pour la nounou, ça leur paraissait bizarre, mais j'ai pas rencontré d'hostilité. Peut-être que je suis tombée sur une équipe de gens particulièrement sympas qui m'ont toujours soutenue énormément. Et quand je suis rentrée au département de physique en 1980, que j'étais maître de conférence, j'étais la première à entrer aussi. Et si je suis entrée, c'est parce qu'il y avait des gens qui m'avaient solidement poussée. Alors quand j'étais nommée professeure en 1992, c'était un peu une surprise. Effectivement, au moment où j'ai déposé ma candidature, j'avais pas conscience qu'il n'y en avait jamais eu avant. Déjà, alors j'étais candidate en toute naïveté. À ma surprise aussi, du premier coup, j'étais classée première. Bon, ça a fait un petit peu des remous parce que c'était inattendu. Et puis au bout de 3-4 mois, ça s'est tassé. Et l'établissement a bien joué le jeu. Et puis ensuite, il s'est trouvé que mes intérêts personnels, enfin mon intérêt pour la promotion des femmes, puisque je me suis dit, je suis la première, je devrais peut-être en aider d'autres à avancer aussi, ont été dans le même sens que l'intérêt de l'établissement polytechnique, qui a compris qu'il faut diversifier. Voilà, c'était le témoignage de la physicienne Claudine Hermann dans l'émission Continent Science de Stéphane Delisgorges. Une archive retrouvée dans les fonds de l'INA et d'un document qui date du 10 février 2000. Et dans cette émission, Claudine Hermann faisait effectivement part de son parcours, de l'importance aussi d'avoir des modèles pour ces femmes qui ne sont pas forcément aidées au quotidien dans un monde de science. Et donc à partir de 1995, en tout cas, elle a pu mettre en place des sympathies pour la cause des filles en sciences. Elle est très impliquée. Et puis cette volonté, en tout cas, de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de déperdition des filles pour les sciences pendant leur scolarité. Deuxième témoignage, toujours le temps de rejoindre Yaël Nazé à Liège, en espérant que nous parviendrons à établir la liaison, bien sûr. Je vous propose d'écouter ce deuxième témoignage. Il s'agit de l'astrophysicienne Catherine Cesarski dans l'émission Les Grandes Avenues, et c'était le 27 juin 1986. Au départ, j'ai fait de la physique, j'habitais en Argentine. J'étais française et donc j'étais au lycée français. J'ai ensuite été à l'université de Buenos Aires et j'ai fait des études de physique. Et c'est tout à fait à la fin de ma licence que j'ai vu poindre l'astrophysique. L'astrophysique n'existait pas à Buenos Aires et heureusement, juste à cette période-là, le premier astrophysicien de l'université de Buenos Aires s'est installé, revenant des États-Unis et rapportant dans ses bagages des morceaux de radiotélescopes. Il s'était mis d'accord avec la Carnegie Foundation, qui lui avait fait cadeau d'un radiotélescope qui n'était plus utilisé, et il voulait le remonter en Argentine. Donc il a créé un groupe d'astrophysique, et je crois bien que j'étais la première à joindre ce groupe. Et j'ai donc commencé, si l'on peut dire, ma carrière d'astrophysicienne, en participant à la construction de ce radiotélescope, ce qui était une chose assez folklorique. J'ai fait des choses telles que... Bon, il s'agissait quand même d'un instrument évidemment très grand, une trentaine de mètres. J'ai fait des choses comme grimper dessus et le peindre à la peinture anti-rouille ou des choses de ce type. Et oui, des implications totales de ces femmes de science, comme l'astrophysicienne Catherine Czarski, qui témoignait dans l'émission Les Grandes Avenues, le 27 juin 1986, et donc de ce rôle joué aussi sur le terrain des sciences. Nous espérons bien sûr établir cette communication avec Yael Nazé, qui a écrit ce livre formidable, L'Astronomie au féminin, paru chez CNRS édition. Yael Nazé, donc, qui est ingénieure des télécommunications, astrophysicienne, doctoresse sciences, spécialiste des étoiles massives et chercheur au Fonds national de la recherche scientifique à l'Université de Liège, et donc auteur de ce livre. Et on croise les doigts, bien sûr. On me dit qu'on a Yael Nazé par téléphone, donc on va pouvoir établir la communication, parce que j'étais justement en train de dire que ce livre mérite que l'auteur nous en parle, et plus largement pour entrer dans l'histoire de ces femmes qui ont rendu tant de services à l'astronomie. Alors, est-ce que nous sommes en communication? Voilà, Yael Nazé. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Voilà, j'ai un peu pris votre place pendant les 10 premières minutes, mais je suis ravie que vous soyez avec nous, parce que ce que vous nous offrez dans ce livre-là, comme je le disais aux auditeurs précédemment, c'est un très beau parcours. C'est vraiment cette volonté que vous avez eue, vous, de faire en sorte que les traces, même les plus anciennes de ces femmes, rentrent enfin dans des livres d'histoire et qu'on leur restitue une place. Alors, dites-nous, on a entendu au début de l'émission un extrait du film Agora, qui parle du personnage Hypatie. Finalement, les premières traces les plus anciennes de ces femmes douées pour l'astronomie, on les retrouve dans l'Antiquité. Ah oui, tout à fait. Les plus anciennes, il y a plus de 4000 ans, hein, au 24e siècle avant notre ère, donc on ne peut pas dire que ça soit vraiment récent. Donc les femmes ont toujours fait des sciences, comme les hommes, finalement. Et alors, du coup, bon, on retrouve Hypatie, on retrouve la fille de l'empereur babylonien Sargon et d'autres personnages, mais qui, pour lesquels, alors soit on n'a plus de traces écrites, ou soit effectivement ce sont des hommes qui ont laissé des empreintes. Alors, vous, de votre côté, Yael Nazé, dites-nous, pourquoi ce livre, concrètement? Au départ, c'est tout simplement quelque chose de personnel. J'aime beaucoup l'histoire des sciences. Et je la connais, je vais dire, pas trop mal. Et un jour, je suis tombée sur une liste de noms de femmes astronomes. Et dans la bande, enfin, c'était pas une très longue liste, hein, il y en avait peut-être, 6-7. Mm-hmm. Et dans la bande, j'en connaissais une. À tout casser. Ah oui, ah oui. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler? Ah oui, j'ai voulu savoir un petit peu ce qui se passait et comprendre, tout simplement. Alors, comment est-ce que vous avez analysé, vous, à ce stade, justement, cette non-visibilité des femmes en astronomie et une reconnaissance tardive? Est-ce qu'il y a certains critères d'emblée qu'on peut évoquer? La modestie, peut-être, des femmes aussi, ça joue, dans ces carrières-là. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a le problème, effectivement, de modestie, mais je veux dire, au-delà de ça, il y a le problème de l'accès à l'éducation. Et quand on n'a pas accès à l'éducation, bah forcément, après, ça devient difficile de faire des sciences, parce que même dès le début, je vais dire, ça demande d'apprendre certaines choses, d'apprendre à lire, d'apprendre de connaître un peu le contexte, de savoir ce qui se passe, d'apprendre à manier les choses. Et donc, forcément, si on n'a déjà pas assez accès à ça, on n'a pas accès au reste. Et bien donc, sûr. Il y en a forcément assez peu. Mm-hmm. Et puis, il y a le fait que celles qui font quelque chose, quelquefois, on élimine leur contribution ou tout simplement on perd leur trace. Voilà. Alors, ou on signe à leur place aussi. Ou on signe à leur place, oui, ça arrive. Mais bon, il faut se replacer, c'est vrai, dans l'époque. Hein. C'est vrai qu'à certains moments, le savant principal était un mandarin et que lui signait les découvertes de toute son équipe. Hein. Mais bon, voilà, c'est problématique, c'est vrai pour ça. Donc on disait la modestie, on disait l'accès difficile aux sciences et aux études. Hein. On va rappeler que le Moyen-Âge et la Renaissance vont exclure les femmes des universités. Mais vous nous montrez effectivement des exemples qui sont des exceptions dans ces époques-là, mais des femmes qui ont le soutien d'un père, d'un frère ou d'un parent connu en général pour pouvoir exister. Mm-hmm. Oui, en fait, c'est comme ça qu'elles vont obtenir leur éducation. C'est pas du tout en allant à l'école, c'est tout simplement en restant à la maison et en ayant soit des parents compréhensifs, soit des parents ou mari, qui ont besoin d'aide. Alors ça arrive régulièrement hein, qu'ils ne trouvent pas d'assistant correct et puis ils disent tiens au fait le machin dans ma cuisine a peut-être un cerveau, peut-être que ça peut m'aider et en plus c'est gratuit. Oui et en plus et souvent ces tâches sont des observations qui demandent de la patience, des tâches répétitives donc on estime que ça convient aussi bien aux femmes et comme vous disiez bon finalement c'est à moindre coût. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples quand même parce qu'on en trouve dans votre livre, il y a Elnazé, la polonaise Maria Kunitz, il y a aussi la femme de Johannes Hevelius, la sœur de Tycho Brahe. La sœur de Tycho Brahe, oui, on Sophie, Danemark, on dit que l'étoile du Danemark, donc sous-entendu Tycho Brahe, est une étoile double. Mm-hmm. Donc il y avait sa sœur et elle est reconnue. Mais c'est parfois très amusant, si on prend Maria Kirsch, qui est une Allemande, elle, au départ, avant même d'épouser son mari, elle était astronome, vu que son père, en fait, c'est son père qui lui a appris l'astronomie, et son mari est devenu un astronome fort connu, hein, Gottfried Kirsch, elle fait beaucoup de choses, et puis quand il meurt... Une femme du 17e-18e siècle, hein, on va la resituer, effectivement. Et alors, elle a l'occasion de devenir astronome du tsar, et elle refuse. Et elle refuse pour rester au service de son fils. Ah oui. Ce qui est quand même assez, assez particulier. Et puis, elle encourage sa fille à aider son frère. Donc, je vais dire, c'est vrai aussi que parfois, le côté un peu modeste et même servile, hein, dans certains cas, ne va pas aider, c'est sûr, à la reconnaissance. En tout cas, surtout dans ces époques qu'on vient de citer. Et là, on peut préciser que cette Allemande, Maria Kirsch, découvrira seule la comète de 1702, mais que cette découverte sera publiée sous le nom de son mari. Alors, de nombreuses collaboratrices donc de premier ordre, rarement citées et rarement remerciées, mais certaines devenues scientifiques aussi contre l'avis de leur famille. On en trouve. Ah oui, on en trouve. Hein. Il y a le cas de Marie Somerville qui est quand même un cas assez amusant finalement, puisque elle va simplement se rendre compte qu'il y a des choses intéressantes dans la bibliothèque familiale, hein, commencer à lire un petit peu, et puis elle va se prendre de passion pour les mathématiques et la physique. Et là, les parents vont vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec elle, bon sang, c'est pas normal, hein, elle réfléchit, ça ne va pas pour une fille, et on va lui confisquer ses chandelles pour qu'elle ne puisse plus travailler le soir, on va essayer plein de choses, et quand ils auront épuisé tout ce qu'ils pouvaient faire à la maison, eh bien, ils vont trouver la solution ultime, ils vont la marier. Et la mariée, en choisissant bien le mari, hein, quelqu'un qui déteste l'éducation des femmes, et voilà, heureusement c'est un marin, donc il est souvent parti, elle peut faire ce qu'elle veut pendant qu'il est parti, mais il a aussi le très bon goût de mourir très jeune, ce qui lui permet finalement de pouvoir faire vraiment ce qu'elle veut. Et voilà, avec une fortune qui lui permet aussi de vivre, de vivre à l'aise, mais et d'assumer effectivement, et d'assouvir ses passions. Alors vous citez énormément de ces femmes, hein, beaucoup de d'anglo-saxonnes d'ailleurs, mais là, vous justifiez ce parti pris en expliquant que vous vouliez surtout suivre les grandes découvertes des travaux de ces femmes qui ont permis de grandes avancées scientifiques. Et alors, il y a ce que vous appelez le harem de Pickering. Alors, dites-nous, c'est quoi, concrètement ? Oui, alors, le harem de Pickering, c'est tout simplement un pauvre astronome, on va dire, qui est devenu directeur de l'observatoire d'Harvard. Et à l'époque, c'était bon, il n'y avait pas grand monde hein, dans cet observatoire, c'était pas très prestigieux. Et il a voulu en faire un grand observatoire, c'est-à-dire il a voulu absolument qu'il y ait beaucoup de monde. Il a voulu qu'il y ait un gros projet pour cet observatoire. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de sous. Alors il va d'abord démarcher des veuves pour obtenir des sous, donc il va obtenir des sous, il va à ce moment-là acheter des instruments, et puis avec tout cet argent qu'il récupère, il va aussi engager des gens, et il va se rendre compte que s'il engage des femmes, ça lui coûte 3-4 fois moins cher. Alors tout ça se passe entre le milieu et la fin du 19e, hein, c'est ça. Oui, et là, évidemment, c'est très bien, il se dit c'est moins cher. Bon, évidemment, il faut vérifier si elles sont quand même compétentes. Douées. Alors, ils vont d'abord essayer avec les filles des précédents directeurs de l'observatoire, qui se révèlent être de bonnes astronomes. Du coup, il va commencer, je veux dire, à en engager de plus en plus, et c'est pour ça que ça finit par s'appeler le harem. Parce qu'il va y en avoir 45 quand même. Oui, il va y en avoir beaucoup. Et alors, ce qui est amusant, c'est que, en fait, Pickering, bon, qui va un peu les exploiter, hein, soyons clairs, mais il va être extrêmement content de son harem. Et donc, il va faire la publicité à travers tous les États-Unis et au-delà, en envoyant des lettres à ses collègues, hein, les autres directeurs d'observatoires, en leur disant, mais engager des femmes, c'est très bien, c'est moins cher, elles travaillent bien, elles travaillent vite, elles font plein de choses. Et le pire, c'est qu'elle ne demande jamais d'avancement. Donc, il est très heureux. Il va faire finalement, quelque part, beaucoup. Oui, surtout en matière de spectroscopie. Et c'est quand même la clé de la constitution des étoiles. Hein. Ça réside dans l'étude de leur spectre. Oui, là ce seront elles, hein, évidemment. Parce que lui va définir vaguement le projet en disant « Il faut mettre de l'ordre dans les étoiles, trouvez-moi une façon de les classer. » Réaliser un catalogue stellaire. Elles vont faire grandes découvertes. Elles vont faire le catalogue elles-mêmes. Elles vont réussir à trouver un système de classification. Elles vont trouver des étoiles variables. Enfin, elles vont faire un boulot absolument formidable. Mais je veux dire que son apport, lui, va se marquer surtout dans cette espèce de prosélytisme hein, à essayer de dire « Engager des femmes. » Parce que finalement, dans les femmes qu'il engage, ce sont pas seulement des filles de bonne famille. Ce sont des femmes qui ont fait des études parce qu'aux États-Unis à ce moment-là commence à y avoir des collèges comme ils disent, des universités pour femmes avec notamment des diplômes en astronomie et donc ça va permettre d'avoir une certaine professionnalisation. Ça ne va plus seulement être des femmes qui travaillent dans l'ombre d'un mari ou d'un frère à la maison et que bon on reconnaît si le mari ou le frère est de bonne foi. Non, ici ça va vraiment être reconnu et clair et précis, on va dire. Et alors on va citer quelques noms et quelques chiffres. Hein. Par exemple, vous nous parlez de Williamina Fleming qui met au point donc une nouvelle classification stellaire qui découvre plus de 300 nouvelles étoiles variables et 59 nébuleuses, c'est pas rien. Annie Cannon qui aura classé les spectres de 350 000 étoiles. Et c'est extraordinaire, c'est colossal. Tout le catalogue en fait d'Harvard, c'est elle qui l'a classé, ce qui est absolument incroyable. Et donc elles parviennent toutes ces femmes à l'établissement d'un catalogue qui fait encore autorité aujourd'hui, le fameux catalogue HD, Henri Drapé, c'est ça on dit ? Oui, il fait encore autorité aujourd'hui et la classification elle-même est encore utilisée. Enfin, je veux dire, moi je l'utilise tous les jours puisque je travaille sur les étoiles. Cette classification, c'est mon pain quotidien. Hein. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il est connu sous le nom du catalogue HD et HD, c'est Henry Draper. C'est le nom d'un homme et j'ai encore des collègues qui sont persuadés que c'est un homme qui a fait ce catalogue, alors que pas du tout. C'est tout simplement sa veuve qui avait donné l'argent pour engager ses femmes. C'est de l'argent de femme avec des... Avec des femmes aux commandes, en tout cas, pour établir tout ça et cette classification. Alors, ça pose la question, vous la posez très clairement dans votre livre, Yael Nazé, de la reconnaissance publique, déjà durant tout leur parcours à ces femmes. Alors, vous citez au fil des pages des médailles, mais on sent bien qu'il y a les médailles qu'on octroie aux femmes, et encore avec parcimonie, et puis les prestigieuses, comme la médaille Bruce, octroyée à une femme pour la première fois en 1982. Oui. Effectivement, c'est assez particulier. Attendez, vous me laissez deux secondes parce que j'ai un petit truc technique. Vous ai dans le casque. Ah, là, vous avez un retour dans le casque. Enfin, donc, on va essayer de régler ça tout de suite. Attendez, j'éteins le téléphone et je mets le casque. Ah non, surtout pas. Je ne crois pas. Yael Nazé, vous nous entendez toujours ? Vous m'entendez comme ça ? Alors, non, Yael Nazé, non, il faut que vous remettiez effectivement le casque. Okay. On va prendre un petit instant pour régler ce problème technique. Et puis on va vous retrouver le temps d'une petite pause musicale en tout cas. Hein. Voilà, le temps de rétablir la liaison avec vous, Yael Nazé. Ok. Un instant. Ah, on vous a là. Yael Nazé, vous m'entendez ? Oui. Bon, voilà. Donc deux fois, en fait, moi. Bon. Je par deux côtés différents. D'accord. Donc c'est le côté un peu gênant, c'est-à-dire que vous avez en plus un écho. Alors on va essayer de vous... Là, vous m'entendez toujours en écho ? Oui, bon, ce qu'on va faire, Yael Nazé, on va faire juste une petite pause musicale, le temps de vraiment régler le problème pour vous, et on revient dans un instant. Edna Milian in a drop dead suit, Dutch pink on a downtown train. $2 pistol, but the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain. 60 men in the dead man's chest, and I've been drinking from a broken cup. 2 pairs of pants and I'm all half-faced. I'm full of bourbon, I can't stand up. Hey little bird, fly away home. Your house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home. Your house is on fire, children. Morgan's head, and I'm stepping on the devil's tail, across the stripes of a full moon's head, and through the bars of a Cuban jail, black fingers on a purple knife, flamingo drinking from a cocktail glass. I'm on the lawn with with someone else's wife. Admire the view from up on top of the mast. Hey, little. Alors, Yael Nazé, si vous voulez bien, on va en prendre le parti d'en rire et on va peut-être se dire que sur ce thème des femmes, il y a peut-être une volonté de sabotage. Voilà, on fera l'enquête après. Alors, donc, est-ce que ça va mieux déjà pour vous ? Moi, ça va. Alors, parfait, on continue parce que c'est vrai que nos auditeurs, j'imagine, sentent bien que cette histoire, L'astronomie au féminin, qui est votre livre que vous avez donc fait paraître au CNRS Éditions, c'est un livre qui regorge de beaucoup d'histoires, de récits et en même temps, beaucoup de thématiques ressortent. Donc, je vous posais la question à l'instant de la reconnaissance publique, donc, qui pour ces femmes devrait ou naturellement passer, ne serait-ce que par des postes de chercheurs, de professeurs. On sent bien que c'est une véritable difficulté, l'obtention de médailles. Donc, quid de la reconnaissance publique ? Par quels moyens se fait-elle ? Ça dépend très fort d'une femme à l'autre. Je vais dire que la France, à ce niveau-là, n'est pas mal placée, puisque, prenons la première femme qui est devenue directrice générale de l'Observatoire européen austral et qui est également devenue présidente de l'Union astronomique internationale. C'est une Française, c'est Catherine Césarski. Oui. Et il y a d'ailleurs en France pas mal de femmes qui sont dans, on va dire, des instances assez dirigeantes. Elles sont montées en grade. Ce n'est pas le cas partout et il y a encore des pays qui ont des très peu finalement de femmes astronomes dans leur rang. Prenons le Japon par exemple, qui a quand même qui a une très grosse communauté astronomique. Il n'y a que 7% de femmes, tandis qu'en France c'est 25%. Donc c'est quand même pas pareil, quoi. Donc c'est très variable, ça dépend très fort finalement de la société. Je dirais que l'obstacle principal n'est pas tellement dans la science elle-même, puisque les femmes comme les hommes peuvent apprendre les maths et la science sans problème, hein, ça a été démontré facilement. Mais par contre, évidemment, il y a le poids des traditions, il y a le poids de la société qui est derrière, et ça, c'est pas toujours facilement surmontable. Eh oui, et dans le poids des traditions, effectivement, une pression sociale qui pèse sur ces femmes. Il est immoral pour une femme de rester seule la nuit dans un observatoire, par exemple. Donc, beaucoup de difficultés pour ces femmes astrophysiciennes, en tout cas. Passer la nuit avec un autre homme, vous c'est imaginez. C'est ça, voilà. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est quand elles font des demandes pour aller observer dans tel ou tel observatoire, on leur répond en général que non, l'observatoire n'est pas fait pour les femmes parce que, notamment, il n'existe pas de toilettes pour femmes. Oui, ça en fait c'est un cas particulier, c'était le Mont Palomar. C'était le Mont Palomar dans les années 60, c'était comme ça. Il y avait vraiment sur les demandes de projets qu'on doit envoyer, il y avait vraiment une case, on vous précisait que c'était pas possible pour les femmes parce que voilà, l'excuse officielle c'était il y avait pas de toilettes. Il faut savoir qu'en fait c'était spécifique aux États-Unis puisque à la même époque, en France, les femmes pouvaient observer dans les observatoires sans trop de problèmes. Ça dépend vraiment d'un pays à l'autre. Alors c'est assez amusant, c'est finalement la contrebande comme ça, parce que finalement des femmes un peu particulières avec du caractère ont réussi quand même à contourner l'interdiction. Et on prend Margaret Burbidge, elle leur fait en fait les demandes au nom de son mari, et puis il arrivait avec son assistante entre guillemets qui était sa femme et qui était celle qui faisait les observations. Donc il y a toujours moyen en fait de trouver un moyen de contourner les règles qui ont été établies. Mais il faut être tenace et persévérante. Et alors la première qui aura donc le droit en toute légalité d'aller observer au Mont Palomar, ce sera Vera Cooper Rubin, née en 1928 aux États-Unis et qui en plus on lui doit beaucoup puisqu'elle va montrer que l'univers n'est pas homogène et qu'il existe de la matière cachée, cette fameuse matière noire. Et elle va en plus repenser le mécanisme de formation des galaxies qui se construisent progressivement en avalant des morceaux plus petits. Donc voilà, et le succès sera tardif pour elle, mais il arrivera. Arrivera maintenant. Elle est une petite vedette, on va dire. Mais c'est vrai qu'au tout début de sa carrière, ça a été très dur pour elle. Elle a été beaucoup, beaucoup critiquée. Elle a d'ailleurs, en fait, c'est assez amusant, au lieu d'affronter à chaque fois ses détracteurs, elle a très souvent décidé de changer de sujet pour essayer d'éviter le clash, parce qu'elle n'aimait pas tellement l'affrontement. Oui. Et elle a changé de sujet comme ça assez souvent. Et puis finalement, quand elle est arrivée avec ses problèmes de matière cachée dans les galaxies, là elle en a eu marre, elle a dit non, moi je change plus de sujet, elle est restée dessus, et finalement elle a eu raison. puisque maintenant, bon, je veux dire, elle est extrêmement commune dans son sujet. Elle est reconnue, effectivement. Et il y a le cas de Cecilia Elena Payne Gaposchkin. C'est intéressant, hein, donc née en 1900 au Royaume-Uni, étude brillante en physique, chimie, botanique, mais pour elle, impossible d'obtenir un poste de chercheur en Angleterre. Donc, elle va aux États-Unis. Là, elle va réussir quand même à déterminer la composition des étoiles. Mais c'est une femme, finalement, qui a réussi parce qu'elle était anticonformiste. Ah oui, non, elle a là aussi, hein, c'est comme Margaret Burbidge, c'est une femme qui a un très gros caractère, hein, et elle sait très bien ce qu'elle veut, et quand elle va se prendre de passion pour l'astronomie, alors qu'elle est étudiante en physique, elle veut faire ça, elle a même décidé de faire la recherche alors qu'elle était enfant, elle ne savait pas encore dans quel domaine, mais bon, et ici, bon, elle décide de faire ça, elle ne sait pas très bien comment, elle se rend compte qu'en Angleterre, ce n'est pas tellement possible, et donc elle émigre carrément aux États-Unis, et puis là, bon, voilà, elle choisit son sujet. Elle trouve ses résultats, elle se débrouille pour pouvoir vraiment faire la recherche qui l'intéresse. Toujours à l'observatoire d'Harvard, hein, le harem est un peu passé de mode à ce moment-là, mais quelque part elle en fait toujours partie. Mais elle décide de ne pas faire de l'observation, mais vraiment d'être théoricienne, ce qui, a priori, à ce moment-là, dans cette observation, observatoire-là n'était pas spécialement la chose à faire. Mais c'est pas grave, elle suit ce qu'elle veut faire et elle va faire comme ça de très très grosses contributions. Il faudra quand même un certain temps avant qu'elle soit reconnue, mais elle va finir quand même par obtenir un véritable poste et non pas à passer 70 ans comme Annie Cannon, elle va devenir professeure. Et bon, je veux dire, elle va quand même obtenir cette reconnaissance beaucoup plus rapidement. On voit quand même que sur quelques dizaines d'années, les choses ont changé, mais elle doit se battre continuellement. Bon, je veux dire, Et en même temps, vous dites qu'elle sera professeure seulement en 1956, alors elle deviendra chef du département d'astronomie à Harvard une première, mais pendant longtemps, son salaire était comptabilisé, allez, je vais le dire, à la rubrique équipement. C'est un peu vexant quand même. C'est quand même assez vexant, bon, ça il faut reconnaître, hein, ça c'est clair. Mais bon, Annie Cannon, elle a obtenu son poste permanent, hein, à 75 ans. Bon, l'obtenir à 56, il y a une amélioration. Maintenant, bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile et se faire, payer comme équipement, comme la poubelle ou la table, il faut aussi pouvoir l'encaisser, quoi. C'est pas toujours ça. Alors Yael Nazé, il est 14h32 sur France Culture. Le choix musical qui va suivre, c'est le vôtre. Et donc ce sera Loïc Noté, Rhythm Inside, la fameuse chanson qui a défendu les couleurs de la Belgique pour l'Eurovision 2015. Allez, on l'écoute. Listen to the sound of thunder. Rolling in the soul down under, far beneath the skin it rumbles. Step to the step of the drum that rolls inside. Be you enemy or lover, we are put here to discover the heart that beats within. We're gonna rap up, up, rap up, up. We're gonna rap up, up tonight. And if we die tomorrow, what do we have to show for the wicked ways down below? The rhythm inside is telling us we can fly tomorrow on the beautiful wind that blows on a cosmic chime. Blow the tide. I'm gonna get that rhythm back. Rap up, up, we gonna rap up, up tonight. And if we die tomorrow, what do we have to show? Et c'est la suite de La Marre des Sciences sur France Culture, sur cette chanson de Loïc Noté qui a beaucoup de succès ici aussi sur France Culture. Et donc nous sommes en direct et en compagnie de l'astrophysicienne Yaël Nazé, ingénieure des télécommunications et docteur S Sciences, spécialiste des étoiles massives et chercheur au Fonds National de la Recherche Scientifique à l'Université de Liège. Et donc auteur de ce livre « L'astronomie au féminin » paru au CNRS Éditions. Le sas maintenant, la porte qui sépare l'équipage du Soyouz de celui de la station internationale, et normalement cette porte devrait s'ouvrir très rapidement. Voilà, le sas s'ouvre. Hey guys, hello. That's nice to happy see to be here. Here. Yeah, sure. Welcome to space. France Culture, La Marche des Sciences. Aurélie Luneau. Allez, on était presque en direct, Yaël Nazé, hein, avec cette archive qu'on vient d'entendre, Claudie Aigneret, dans un extrait de l'émission Interception sur donc France Inter, c'était le 18 novembre 2001. Et donc Claudie Aigneret, reporter dans l'espace, première astronaute française à avoir volé à bord de la Station Spatiale Internationale. Voilà, on avait envie de passer effectivement ce genre de prouesse aussi des femmes jusqu'à aujourd'hui. De belles découvertes, en tout cas, Yaël Nazé, hein, à la clé, avec les exemples de femmes que vous nous proposez. Notamment, on pourrait parler de... Allez, je vais poser ça sous forme d'une question. Allez, le nom d'une astronome sans laquelle on aurait pu découvrir la trace de l'expansion de l'univers. Vous voulez que je réponde? Oui, allez-y. Non, Henrietta Leavitt, exactement. Évidemment. Et les étoiles pulsar, il faut en parler de cette femme-là aussi. Ah, Jocelyn Bell, oui, aussi. Aussi. Les deux. Mais on les aime toutes. Enfin, moi, en tout cas, je les aime toutes. J'ai toujours du mal à choisir quand on me demande ma préférée. Mais je sais pas, Henrietta, c'est quelqu'un qui était très renfermé sur elle-même. Elle faisait partie du harem, hein, comme Annie Cannon. Oui. Mais Annie Cannon, c'est quelqu'un de très expansif, qui fait des cookies, qui amène les cookies à l'observatoire, qui discute avec tout le monde. C'est vraiment quelqu'un qui va dans les congrès et tout, qui était connu absolument partout. Et puis, il y a Henrietta Leavitt, qui est très discrète, qui a fait des études au même endroit qu'elle et tout, mais qui bouge pas, qui reste dans son coin, qui ne va aucun congrès, qui ne fait rien, qui ne dit rien, qui est à moitié sourde. Enfin, c'est un peu particulier. Et en fait, Annie Cannon va s'occuper de la classification d'étoiles. Et puis, Henrietta Leavitt, elle va s'occuper plutôt de mesurer la brillance des étoiles. Oui. Et en faisant ça, elle se rend compte qu'il y a des objets qui pulsent régulièrement, c'est-à-dire que leur émission, elles sont brillantes, moins brillantes, brillantes, moins brillantes, puis c'est régulier. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a un lien entre leur luminosité moyenne et la période de leur changement de luminosité. Oui. Alors ça lui paraît un petit peu bizarre, mais bon, c'est une découverte, hein, le vérifie clairement. Alors beaucoup ont cru qu'elle n'avait pas compris la portée de sa découverte, mais elle sait exactement, elle le met dans ses papiers. Ce que c'est, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'elle a découvert, c'est un moyen de trouver la distance des étoiles, parce que c'est pas facile, hein, on peut pas se balader avec son petit mètre, hein, et commencer à mesurer en direct. Non, ce qu'on va faire évidemment, c'est essayer de trouver un moyen indirect. Alors le meilleur moyen, c'est d'avoir une idée de la véritable luminosité des étoiles et d'observer la luminosité apparente, et en comparant les deux, on a la distance. Mais trouver un moyen d'avoir la luminosité intrinsèque, c'est très compliqué. Et elle, avec sa petite relation période-luminosité, comme on l'appelle, elle va trouver ce moyen-là. Elle sait exactement à quoi ça sert, mais malheureusement, on ne va pas lui permettre de travailler très longtemps là-dessus. Ce sont d'autres personnes qui vont récupérer sa découverte, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir découvrir qu'il existe d'autres galaxies, prouver que la galaxie d'Andromède, ça appartient pas à la Voie lactée, hein, c'est une autre galaxie, et en plus prouver que les galaxies s'éloignent de la Voie lactée, ouais, et que donc il y a un mouvement d'expansion dans l'univers. Tout ça a été fait grâce à la loi de Leavitt, et elle aurait dû avoir le Nobel pour ça, mais malheureusement, quand on a voulu l'attribuer, on s'est rendu compte, elle était extrêmement discrète, hein, ouais, qu'elle était décédée, voilà. Depuis 4 ans, évidemment. Depuis 4 ans, à l'observatoire, on le savait, évidemment, hein, ouais. on l'a pas trouvé desséché dans son bureau, hein, faut pas croire. Mais en Suède, le professeur Mittag Leffler qui a pensé à elle pour le Nobel de 1926, finalement, effectivement, n'avait pas eu vent de son décès, qui était survenu le 12 décembre 1921. Exactement. Ça n'avait pas filtré en dehors. Mais voilà. Et donc, elle aurait dû avoir le Nobel. Mais en tout cas, il y a aussi une autre femme, vous la citiez tout à l'heure, Yael Nazé, c'est l'Irlandaise Suzanne Jocelyn Bell Burnell, pour sa découverte des pulsars. Et c'est seul Anthony Hewish, donc l'astronome britannique, qui sera honoré. Mais là, ça va quand même déclencher une petite polémique. Hein. Oui, parce que là, évidemment, on n'est plus dans les années 20. Hein. Là, on est quand même beaucoup plus tard. Et à ce moment-là, c'est un peu... Enfin, je veux dire, la situation est un peu particulière. En fait, il faut savoir que Jocelyn Bell a fait cette découverte des pulsars pendant sa thèse. Thèse qu'elle faisait sous les ordres de Anthony Hewish. Mmh. Mais il lui avait donné l'ordre, entre guillemets, de s'occuper d'objets un peu particuliers qu'on appelle des quasars, des galaxies lointaines. Ce qu'elle a fait. Oui. Mais en étudiant ces objets-là, elle a trouvé les pulsars. Alors, on ne peut pas dire qu'elle ait été vraiment soutenue par le patron. Et c'était connu quand même en Angleterre. Mmh. Son patron lui a d'abord dit que c'était des extraterrestres, hein, une civilisation extraterrestre qui nous appelait, ce qu'elle n'était pas du tout persuadée. Elle appelait ça ces petites saletés qu'elle repérait. Ces petites saletés, oui. Et finalement, elle était persuadée qu'il s'agissait d'objets un peu similaires à des phares, oui. Ce qu'ils sont effectivement. Mais bon, voilà. La publication a été faite au nom du patron et elle n'est pas en première hauteur. Ce qui se passe, c'est que quand il y a eu l'histoire du Nobel, ben forcément, il y a eu une réaction assez violente dans certains de la communauté qui ont rué dans les brancards, hein, et qui ont dit que ben, c'est pas normal qu'elle n'ait pas au moins été associée, vu que son patron ne lui a même pas donné l'ordre de s'occuper de ces trucs-là. Elle a fait la découverte par hasard, elle a approfondi par elmême, elle a été contre la volonté de son patron, donc c'était un petit peu quand même particulier. Ça n'a rien changé. mais bon, malgré tout, il faut reconnaître qu'au sein de la communauté astronomique, et même au-delà, elle est quand même officiellement connue comme celle qui a découvert. Voilà. Alors, le mot de la fin, Yael Nazé, à ce stade de l'émission, que reste-t-il de ces femmes là, que vous nous présentez dans votre livre, il y a le principe Payne-Gaposchkin, mais est-ce qu'on a donné à des étoiles, à certaines règles ou des systèmes de classification les noms de ces femmes? Bon, ça arrive parfois, oui, mais bon, je crois que leur héritage le plus important, c'est tout simplement de savoir qu'elles existent, parce que finalement, il y a encore beaucoup de gens, de personnes qui croient que il n'y a pas de femmes scientifiques ou très peu, et qu'elles elles ont des rôles subalternes, elles ne font pas grand-chose. Et je crois qu'il est important de simplement dire elles ont existé, elles ont fait des découvertes, et des découvertes importantes. Le simple fait qu'elles soient là, au-delà d'un nom octroyé, pour une découverte, qui est finalement la chose la plus importante, le fait qu'elles soient là, qu'elles aient fait ces découvertes, je crois que c'est le plus important. Donc à nous de nous souvenir aussi de leur nom. Oui. Merci Yael Nazé, je rappelle le titre de votre livre, L'astronomie au féminin, paru au CNRS édition. Et puis merci aussi pour votre grande patience dans cette émission un peu chaotique, mais en même temps, on a réussi à tout faire, on ne va pas se plaindre. Mais restez avec nous. Écoutez, les communications, même avec la Belgique, c'est parfois tout aussi difficile qu'avec l'étoile la plus proche. Exactement. Merci à vous et vous restez avec nous, c'est la suite de La Marche des Sciences. France Culture, La Marche des Sciences. Aurélie Luneau. Et c'est la seconde partie de La Marche des Sciences, actualité des sciences et de leur histoire, avec le choix d'Anaï Morales, l'archive du jour consacrée aujourd'hui à un homme, un mathématicien et astronome italien qui révolutionna notre vision de l'univers. Il s'agit de Galilée. Moi, Galileo Galilei, maître de mathématiques et de physique à Florence, j'abjure ce que j'ai enseigné, à savoir que le soleil est le centre du monde et ne bouge pas de son lieu, et que la terre n'est pas le centre et bouge. J'abjure, exècre et maudit, d'un cœur sincère et d'une foi non feinte, toutes ces erreurs et hérésies, de même que toute autre erreur et toute autre opinion qui s'opposerait à notre sainte mère l'Église. « Galileo Galilei, né à Pise le 15 février 1564, mort dans la banlieue de Florence le 8 janvier 1642, et formé à la médecine, devenu professeur de mathématiques, il travailla sur la nature des objets célestes et formula donc la loi fondamentale de la chute des corps. En 1609, il construisit sa première lunette astronomique, et tout ça à une époque où primait la théorie de Ptolémée, selon laquelle la Terre était au centre de l'univers, et lui va s'afficher partisan de Copernic, qui avait compris que le Soleil était le centre immobile de l'univers et que la Terre se déplaçait. Pour Galilée, il fallait absolument séparer le domaine des théologiens de celui de la science. Et puis, ben voilà, il sera jalousé, bien sûr. Il finit par être dénoncé au secrétaire de l'Inquisition romaine en 1615. Je ne vous en dis pas plus. La suite de cette histoire, vous pouvez la découvrir en ce moment dans une actualité théâtrale. C'est donc au Théâtre de Montfort à Paris, La vie de Galilée. Donc, cette pièce de Bertolt Brecht est mise en scène par Jean-François Civadier. C'est du 27 mai, donc depuis le 27 mais jusqu'au 21 juin au Théâtre de Montfort à Paris. Très beau spectacle, une belle mise en scène, beaucoup d'humour. Mais alors préparez-vous, hein, 3h20 de spectacle. Autre information à vous donner, sachez que les 9 et 10 juin se dérouleront deux journées spéciales à l'occasion des 20 ans. De la main à la pâte, 20 ans au service des professeurs et des élèves en France et dans le monde entier, pour encourager la curiosité scientifique des enfants, pour les aider à découvrir, aimer, apprendre la science en la pratiquant. La main à la pâte, donc, et c'est vraiment une expérience formidable dont on a eu l'occasion de raconter l'histoire dans la marche des sciences. En tout cas, sachez que mardi 9 juin, donc de 14h à 16h, séance spéciale de l'Académie des sciences, avec notamment Kéré, Cédric Villani, parmi les personnalités scientifiques éminentes qui seront présentes. Le mercredi 10, le matin, un colloque international sur l'avenir de l'éducation à la science dans un monde qui change. Ça se passera à la Fondation Simone et Sino del Duca, à Paris, dans le 8e. Et puis l'après-midi, mercredi 10, eh bien une après-midi festive des 20 ans, c'est-à-dire des initiatives enseignantes, évocation de l'histoire, de l'avenir, de la main à la pâte, pièces de théâtre, films, expériences, voilà. Et donc tout cela, vous retrouvez, alors le lieu, ce sera la Sorbonne, 47 rue des Écoles, pour l'après-midi, mais vous retrouverez toutes les informations sur notre site, bien sûr. Et l'actualité des sciences et de l'histoire, c'est aussi notre partenariat avec le magazine Pour la Science, dont le dernier numéro de juin est toujours aussi riche et varié, avec notamment, je vous le signale, un dossier sur la géométrie aléatoire, nouvel Eldorado mathématique, ou encore les dernières recherches en matière de vie mentale de nos cousins néandertaliens. Et puis l'histoire des sciences qui exhume un personnage dont le nom ne dit rien à personne aujourd'hui, Charles-François Bikillet, garde du corps du roi, féru de maths, mathématicien économiste du début du 19e siècle. Bonjour Pierre Crépel. Ben bonjour et merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes en duplex depuis nos studios de Lyon. Vous êtes chercheur, historien des sciences, mathématicien de formation et vice-président de l'Académie des sciences, des belles-lettres et des arts de Lyon. Et donc, vous avez présenté, annoté deux livres de Charles-François Bikillet. Donc, Charles-François Bikillet, théorie élémentaire du commerce, paru chez Aléa en 1995. Et puis, trois ans plus tard, un autre, Charles-François Bikillet, la croisade, présenté et annoté avec Albert Denis est paru chez Aléa. Et donc là, on vous retrouve dans ce Pour la science, le numéro de juin, et vous nous dévoilez un peu plus ce personnage. Alors, qui était ce personnage connu en son temps et devenu, on peut le dire, hein, Pierre Crépel, un illustre inconnu que vous avez exhumé des limbes de l'histoire? Bien, c'était quelqu'un qui s'intéressait aux mathématiques, donc ça n'était pas la profession. Oui. Hein. Et je me suis intéressé à lui parce que j'étais en train de publier avec Bernard Bru les œuvres d'arithmétique politique, c'est-à-dire calculer les probabilités, rentes viagères, assurances, etc., de Condorcet à cette époque. Or, Condorcet avait lancé un prix à l'Académie des sciences sur une théorie mathématique des assurances maritimes. Mmh. Ce prix avait été reporté plusieurs fois et en 1787, il a été attribué à deux mathématiciens, l'un relativement connu qui s'appelle Lacroix, qui était tout jeune à l'époque, et l'autre, fort peu connu, Charles-François Bikillet. Voilà, donc pour faire les annotations de cette publication, il fallait savoir un petit peu qui c'était. Et quand on regardait ce qu'il y avait dans la littérature, on avait essentiellement une petite note biographique d'Albert Denis, ancien maire de Radical de Toul, autour de 1900, qui donnait un certain nombre de ses publications et citait cette cette étrange théorie élémentaire du commerce, mais sans précision, sans même donner le lieu, l'éditeur, etc. quoi. Voilà, alors je suis parti faire l'enquête. C'est ça, et alors, l'enquête, on va en parler. Mais alors dites-nous tout de suite, parce que j'ai présenté ce personnage comme garde du corps du roi. Ça veut dire quoi à l'époque? C'était son métier véritable et en quoi ça consistait? Oui, pas grand-chose. Hein. Il n'était pas forcément à Versailles. Oui. Souvent, il était à Beauvais. Et il avait beaucoup de temps et ça lui donnait un peu d'argent. Quoi, hein. C'était un peu une sinécure. Et ça lui permettait de s'occuper de ses affaires et puis de ses intérêts. Quoi. Donc vous avez été, Pierre Crépel, intrigué par ce personnage. Vous vous rendez compte qu'il a donc commis des livres, qu'il a été honoré par des prix et qu'il est complètement oublié. Qu'est-ce qu'on lui doit? Mais là, c'est le début d'une enquête. Vous, finalement, cette enquête, elle démarre où, précisément? Eh bien, pour essayer de trouver ce que contenait ce livre qui apparemment devait être une suite de sa pièce sur le prix des assurances maritimes. Oui. J'ai évidemment cherché dans les catalogues des bibliothèques et celui de la Bibliothèque nationale de France, ça n'y était pas. Bon, j'ai fini par comprendre pourquoi, grâce à des bibliothécaires et des archivistes, et ce personnage très, très important dans la recherche et souvent négligé, hein, oui, qui m'ont dit, ben oui, parce que le dépôt légal n'existait plus de façon obligatoire 1791 et 1810. Donc si un livre est publié vers 1804, comme c'est le cas ici, il ne se trouve pas forcément à la BN. Alors je me suis dit, puisque le personnage est de Toul, ben, j'ai appelé la bibliothécaire municipale de Toul, qui s'appelait Fabienne Didier, et qui m'a dit, bon, bah, écoutez, je vais rechercher, mais c'est embêtant parce qu'on est en déménagement, etc. Et puis elle a cherché au fond des cartons, elle a trouvé le livre, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, je vous en fais une photocopie, etc. Et là, j'ai évidemment sauté au plafond parce que cet ouvrage répondait à quelque chose qui était considéré comme presque impossible pour l'époque. C'est-à-dire, vous vous retrouvez alors, avec un livre digne d'intérêt, sur quel plan? Voilà, c'est-à-dire que c'est un livre de mathématiques, un traité de maths, hein, une définition, lemme, théorème, corollaire, etc. Hein. Et puis, il traite de la science économique. Donc, l'économie, vous voyez, était considérée comme abordable par les sciences depuis relativement peu de temps. Hein. On faisait avant de l'arithmétique commerciale et des choses comme ça. Mais l'ensemble économie, c'est-à-dire la détermination mathématique des prix, et puis d'autre part, l'évaluation des contrats aléatoires, ces choses-là, c'était relativement récent. Pour la détermination mathématique des prix, de façon avec des mathématiques classiques, quoi, hein, c'est un peu les Italiens de deuxième moitié du XVIIIe siècle qui s'en sont un peu occupés. Hein. Et puis les calculs d'assurance, de rente viagère, etc. Là, c'est plutôt les Anglais, les Hollandais. Mais ces deux démarches, la première qui était plutôt hypothético-déductive, la seconde plutôt inductive, n'avait pas l'air de se rencontrer. Hein. Et ce qui a été dit, et ce qui a même été théorisé par un certain nombre d'historiens, c'est que bon, bah, ces démarches étaient tellement différentes dans l'esprit de l'époque qu'elles ne pouvaient pas converger, qu'elles n'ont pas convergé au XIXe siècle. Hein. Il a fallu attendre presque le milieu du XXe siècle. Et oui, c'est ce que vous nous expliquez dans votre article, Pierre Crépel, c'est que finalement, c'est un précurseur, c'est un homme qui marie les mathématiques, les probabilités et l'économie avant l'heure, là où on va retrouver cette façon de faire plutôt au XXe. Voilà, oui. Alors, ce qui est particulièrement extraordinaire dans cet ouvrage, c'est que les quantités qui sont connues, les quantités certaines, et les quantités qu'il appelle douteuses, ce qu'on appellera plus tard les variables aléatoires, sont pensées de la même façon, avec le même statut. Hein. Simplement, les quantités douteuses, eh bien, elles ne sont connues qu'avec certaines probabilités. Et il fait l'ensemble de ce, il déroule l'ensemble de sa théorie mathématique de l'économie sans procéder à une distinction totale entre ces deux démarches. Donc vous vous retrouvez avec ce livre Théorie élémentaire du commerce. Vous l'observez, vous rendez compte que il y a effectivement ces croisements de disciplines, mais et en même temps, il vous faut mieux comprendre le personnage. Alors qu'est-ce que vous avez comme élément, qu'est-ce que vous avez déniché dans votre enquête pour comprendre le fond de sa pensée et puis peut-être se poser la question, est-ce que ce livre a véritablement marqué le monde du commerce de l'époque? Est-ce que il a été efficient finalement? Voilà. Alors, d'abord, évidemment, il y a eu beaucoup d'obstacles, hein, parce que les archives municipales de Toul ont brûlé en décembre 1939. Oui. La préfecture de Metz avait déjà brûlé en 1803. Donc, un grand nombre de renseignements dont pouvait disposer parfois Albert Denis avaient disparu. Eh oui. Voilà. Alors, on essaye de trouver des petites bribes par-ci, par-là. Oui. Alors déjà, j'ai trouvé aux archives de l'Académie des sciences le manuscrit autographe de l'ouvrage. Il est assez différent, hein, c'était une version préliminaire, mais il avait été approuvé par Bossu, Delambre et Lagrange, c'est-à-dire parmi les plus grands mathématiciens de l'époque. Et oui, il faut préciser aussi que Biquillet pensait bien se faire élire à l'Académie des sciences à un moment, non ? Voilà. Hein, il faisait partie vraiment de ce cercle de scientifiques en lien avec l'Académie. Tout à fait. Et alors ensuite, par concours que tu ne peux pas développer là facilement, oui, j'ai réussi à retrouver... Il ne reste pas beaucoup de temps non plus. Voilà, les manuscrits qui provenaient d'un descendant, et c'est au musée Antoine Vivenel de Compiègne, hein, et le conservateur du musée m'a invité à venir à regarder tout cela. Et là, j'ai trouvé une correspondance entre Biquillet et un membre de l'Académie, qui s'appelait Jacques-Antoine-Joseph Cousin, qui lui explique comment utiliser ses anciens travaux pour essayer de briguer un poste à l'Académie des sciences reconstruite après la... pendant la Révolution. Oui. Et donc, en tout cas, cet homme-là, difficile, hein, on le comprend, de le cerner encore, parce qu'on a un manque d'archives, Pierre Crépel, mais vous nous expliquez aussi, vous nous donnez quelques petites raisons, peut-être, ou des pistes pour mieux comprendre pourquoi il est tombé dans l'oubli. On arrive au terme de l'émission, Pierre Crépel. Alors, si vous le voulez bien, je renvoie nos auditeurs à votre article. Hein, Biquillet, en quête d'une théorie mathématique du commerce, à retrouver dans le dernier magazine pour la science du mois de juin. Et puis, bien sûr, on retrouvera sur le site de l'émission vos ouvrages que vous avez présentés et à noter. Et toutes les informations et les liens à retrouver sur franceculture.fr, rubrique La Marche des sciences, puis archives. L'émission, vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an. Et La Marche des sciences est finie pour aujourd'hui, avec toujours la fine équipe à mes côtés. Catherine Donnet, Catherine Decopé, Céline Duchesnet, Anaï Morales, Anne Delaveau de l'INA et Sandrine Englande de la documentation sonore de Radio France. Grand coup de chapeau aussi à Alexandra Malka, qui réalise l'émission, à la technique Emmanuel Morse-Duncan et Dophar Guéride.